sur... Donc là, c'est assez étrange parce que donc, soit je me sens à l'ombre, soit encore dans un tunnel, mais c'est pas possible, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez haut au-dessus de ma tête. Mmh. Ou qui empêche le vent ou qui nous met à l'abri. Et je me sens vraiment à l'ombre. D'accord. Je me sens toujours à l'ombre, mais dans un endroit un peu plus large. Et là, il fait plus froid. Ouais. T'as toujours cette impression de couverture ? Ouais, mais comme si, du coup, c'était presque une couverture nuageuse, en fait. D'accord. Donc mais beaucoup drôle, plus haute, hein. En fait. Oui. Ouais. Oui. C'était un surgissement ou c'était depuis tout à l'heure, la même ? Cette couverture, là ? Ouais. Non, depuis tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, c'était très prégnant. J'ai vraiment la sensation qu'on est passé dans un tunnel. Enfin, un tunnel, un Porsche. Ou... Ouais, ça a été... Depuis qu'on a quitté le soleil, t'as eu cette en impression. En fait, c'est ça, ouais. Ouais. Ah, soleil, là. L'embarras du choix. Du soleil. Ouais. Là, ça va beaucoup mieux. Et là, ça s'ouvre. Mmh. Je dis ça parce que je sens qu'il y a du soleil. Ouais, ouais. T'as vraiment la conscience du volume, en fait. C'est ça qui... Ben, je sais pas. C'est une question que tu poses ou... Ouais, ouais. Je trouve que y a beaucoup de tes remarques qui... Ah oui, qui sont... Tu essaies de capter dans quel volume tu te trouves. Y a du soleil. Ouais. Je triche pas, j'ouvre pas les yeux. Non, mais je me sens vraiment sur ma peau. Je te crois complètement. Je trouve ça assez... Ça m'interroge beaucoup de me... Je sens que ça traverse... Enfin, ouais, je le sens sur ma peau. Ouais. Et là, on passe sous un passage, non? D'accord. Enfin, je sens à nouveau ce truc lourd au-dessus. Et presque un peu de soleil, mais c'est pas bien normal parce que j'ai l'impression qu'il devrait plutôt venir de derrière. D'accord, et là tu le sens d'où ? Ben, j'ai l'impression qu'il est là, donc qu'il viendrait d'ici, mais... Ok, comme si t'étais en plein soleil ou... Non. Non, ok. Mais pas dans l'ombre. Non, peut-être juste, c'est pas ça, c'est que c'est plus ouvert que tout à l'heure. Mm-hmm. Ok. Un soleil, là. Ah, ouais. Je sens du soleil, je sens qu'il y a plein d'espace autour de nous. Ouais. Je sens comme s'il y avait des petites taches de soleil. Ah, ça c'est assez intéressant, ouais. Mais vu le bruit qu'il y a autour de nous, je me dis que ça doit pas être trop possible, mais c'est comme quand t'es en forêt et que le soleil il fait des petites taches à travers les feuilles. Ouais. Mais là, je sens pas vraiment qu'il y a d'arbres. Donc, en fait, c'est comme si le soleil venait de plein de petits endroits voilà, différents. Voilà, c'est ça. Ok. Donc tu sens la lumière, mais tu la vois pas quand même. Non, je la vois pas, je la sens.